négatif. Tu dis que tu dérapes, mec, t'es même plus sur la piste. Tu dis que tu décolles, man, et tu crois que tu maîtrises. T'en es où, t'as toujours pas lâché ses bises. Je le dis pour toi, demande pas pourquoi. Entoure-toi de vrais gens, essaie d'éviter les poux qu'avant me dit quoi. Que j'ai un MC tout pâle, que je sors des rimes de tout part. Un mec que se passe devant tout calme, on me dit. Tu fais piaf, je dis, montre ton vrai visage. T'es trop loin du rivage, ou bien tu flammes, gare à l'atterrissage. Bar, 23 piges, toujours dans les parcs. Toujours, en quête de nouveau départ. Toujours à l'épargne, pour ses braves, je réponds quoi. Que je mène une vie d'artiste, que je peux pas lâcher ma tise. Et que je gère mes problèmes à ma guise. Ouais, je déconne. Et je sais ce que je fais quand je largue les déguises. Et je crois que je suis trop bien dedans. Et que c'est pour ça que je peux pas lâcher ces piges. Je réponds, vas-y, serre-toi au con. Vas-y, laisse-moi de l'espace. Car t'es pas dans ma tête, n'est-ce pas. Je veux qu'on paye en espèces. Et si je parle pour mes braves, ceux qui font part de mes spaces. On me dit, t'es en train de rater. Trop bizarre est ton caractère. Dans la vie, y'a pas que rapper. Sois un peu terre à terre. Il est temps d'éviter les ratures. Gérer des affaires, on me dit un peu à l'ouest. Voilà la preuve que non. On dit, ouais, tu déchires, c'est le best. Ouais, c'est un pauvre connard. On me dit, plongé dans un grand coma. Ou bien même fou à l'asile. Ou sous mes deux cas, le spice cantonal. Pour toutes ces putes là. On dit quoi.